maman. EDF. Vous sentez cette bonne odeur de linge propre? Ah, bah non, évidemment. Mais faites-moi confiance, ce linge est propre. Mais surtout, lavez en décalé, puisque j'ai évité de faire ma lessive en rentrant du travail, en même temps que tout le monde, quoi. Ça ne change rien à son odeur, mais ça change tout pour le système électrique. Ça fait partie des gestes utiles EDF. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes-utiles. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire de 743 hommes raflés, coupés de leur quotidien et de leurs proches au matin du 12 décembre 1941. Tous juifs et français. Ils sont conduits au camp de Compiègne, Royal Lieu, d'où partira 3 mois plus tard le premier convoi vers Auschwitz. Parmi les personnes arrêtées, des cadres, des dirigeants d'entreprises, des médecins, des commerçants, des intellectuels, des avocats ou encore des magistrats. Raison pour laquelle cette rafle est souvent qualifiée de rafle des notables. La liste a depuis disparu, et à ce jour, l'identification des victimes fait encore l'objet d'un inventaire. Et pourtant, ils n'ont enfreint aucune loi, eux, des juifs français, intégrés, assimilés. Pour certains, ils sont même médaillés de la Première Guerre mondiale ou de la Légion d'honneur. Dans une France occupée, ces hommes deviennent les cibles indifférenciées d'une réponse répressive aux attentats anti-allemands. Et pour Vichy, la distinction entre juifs français et étrangers devient chancelante. Désormais, ni la nationalité française, ni le patriotisme ne protégeront les victimes du joug nazi et du gouvernement collaborationniste de Pétain. Notre invitée aujourd'hui, Anne Sinclair, journaliste bien sûr, autrice du livre intitulé « La rafle des notables » paru chez Grasset, récit à la fois intime et enquête historique. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Judith Chetrit, coordination Franck Cognard, attaché de production Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1941. Faut-il compter les heures depuis leur départ ? L'attente, en vérité, se mesure aux lieux par lesquels ils sont passés. L'arrestation à l'aube, au domicile, le commissariat de quartier, le bâtiment du manège à l'école militaire, la gare du Nord, la gare de Compiègne. Enfin nous arrivons, écrit Louis Engelmann, perplexe. Certes, cela le rassure, il comprend qu'il n'est qu'à 80 km de Paris, pas plus à l'est. L'homme en question est ingénieur physicien. Il fait partie des dirigeants des Tréfileries et Laminoirs du Havre. Un temps installé en Normandie, cela fait quelques mois qu'il était revenu vivre à Paris avec sa femme Mariette et leurs 3 enfants. Ce vendredi 12 décembre 1941, Mariette et lui sont allés rendre visite à sa mère mourante. La Gestapo tape à la porte. Elle sait que Louis est là. Les officiers sont allés chez lui un peu plus tôt, leur Benjamin Nicole a dû dire où il se trouvait. Louis est reconduit rue de Tocqueville, dans le 17e arrondissement, pour y récupérer quelques affaires et partir. Tout s'enchaîne. Le lacis des événements ne fait pas encore sens. Après une heure de marche, nous sommes aveuglés par des projecteurs puissants. Ce sont ceux des miradors du camp de Royal Lieu. Enfin, nous arrivons à 2h du matin. Nous traversons une immense cour, franchissons des réseaux de barbelés. On nous dirige par petits groupes vers les bâtiments que nous devons occuper. On pénètre dans un couloir et par chaque porte, on fait entrer 30 internés. C'est l'obscurité complète. Quelques-uns frottent des allumettes pour qu'on puisse se rendre compte de la disposition des lieux. Nous constatons que ces salles sont vides et qu'il y a seulement une mince couche de paille de chaque côté. Nous sommes tous tellement harassés de fatigue que nous ne songeons qu'à nous jeter sur la litière. Après cette journée d'émotion, je ne peux pas m'endormir. Je pense à tout ce que j'ai quitté. Je cherche à me représenter ce que peut faire ma petite Mariette et quelles peuvent être ses pensées. L'incompréhension se double du choc de départ. Louis Engelmann, né en 1890 dans le 9e arrondissement de Paris, est français. Son grand-père maternel a été rabbin à Paris. Au début de la guerre, en 1939, sur les quelques 330 000 juifs vivant dans le pays, un tiers d'entre eux ont la nationalité française depuis plusieurs générations. 70 000 ont été naturalisés sur les 10 dernières années, Le reste sont des étrangers. La ville de Paris et sa banlieue en concentrent une bonne moitié. Parce qu'elle veut en avoir une vision plus précise, l'administration militaire allemande ordonne aux Juifs français étrangers de se présenter en préfecture et au commissariat en octobre 1940 pour s'y faire inscrire. Autrement dit, leur repérage commence. Les escaliers, les portes et les étages y sont même consignés. Ces renseignements sont centralisés par la police française qui les transmet ensuite à la Gestapo. Avec cette première phase de recensement, les cartes d'identité se retrouvent tamponnées du mot « juif », quelle que soit la croyance ou la pratique. Des fiches bleues pour les juifs français, orange pour les autres, décrit l'historien et avocat Serge Klarsfeld. À partir de là, on faisait des sous-fichiers, un fichier familial et des sous-fichiers, un fichier alphabétique, un fichier par profession, un fichier par nationalité et par adresse. Par respect de la loi, par fierté et fidélité à leur identité, par peur d'être dénoncé aussi, 90% de la population juive se soumet à cet immense contrôle. À Paris, en zone occupée, près de 150 000 personnes sont recensées et donc fichées. Sur chaque magasin appartenant ou géré par un juif, doit être apposée une affiche jaune indiquant « entreprise juive ». Et ces mesures ne sont pas circonscrites à la zone occupée par les Allemands, non. Xénophobe et antisémite, l'État français du maréchal Pétain reprend à son compte la notion de race juive. Après une loi durant l'été qui annule des naturalisations, un premier décret d'octobre 40 définit les individus pouvant être considérés comme juifs. Selon la loi du 3 octobre 1940, et regardé comme tel, je reprends les mots du texte de loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. C'est un pas supplémentaire vers la collaboration. Renvoyés de leur poste, les juifs ne peuvent plus exercer dans la fonction publique de l'enseignement, de l'armée ou des entreprises nationales. Dans certaines professions libérales, ils font l'objet de quotas. Ainsi, en un an, à peine installé au pouvoir, Vichy fait voter 109 lois et décrets antisémites, rappelle l'historienne Emmanuel Polak. Alors, il faut rappeler quand même ce qu'est la loi de l'aryanisation. 22 juillet 1941, de la main du maréchal Pétain, au mémorial de la Shoah, vous avez un exemplaire qui est annoté de la main du maréchal Pétain. Et il s'agit alors d'entrer dans un process qui va déposséder les familles juives de leurs biens, de leur commerce. Et puis, les grandes familles des grands collectionneurs, les familles Rothschild immédiatement, les familles Seligman, la famille de Paul Rosenberg, Alphonse Kahn, Wildenstein et Veil Picard. Et la spoliation économique est lancée. Dans l'opinion publique, peu protestent. L'administration, elle, se montre docile, c'est une seconde nature. Ces mesures discriminatoires concernent progressivement tous les pans de la vie quotidienne. Paris est une capitale déchue, vidée d'une partie de ses habitants en route pour la zone libre. Ses murs sont remplis d'affiches de l'occupant. Les drapeaux nazis surplombent les bâtiments. Les autorités placées sous ordre du commandement militaire allemand contrôlent les changements de domicile. En période de rationnement, les juifs sont particulièrement vulnérables. Depuis octobre 1940, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, appelés étrangers de race juive, sont déjà internés sur simple décision préfectorale dans une dizaine de camps du sud de la France, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales. Ces camps avaient servi un peu plus tôt à rassembler des étrangers jugés suspects ou indésirables, des républicains espagnols ou des ressortissants de pays en guerre contre la France. D'abord, on arrêtait les juifs avant, mais on les arrêtait en zone libre. Les juifs étrangers, apatrides, les juifs réfugiés de Belgique étaient internés donc dans des camps terribles, comme Gurs, comme Noé-Rosebedou. Cela était particulièrement dur et des juifs mouraient pendant l'hiver par centaines de froid, de faim, de malnutrition. Les Allemands voulaient qu'on arrête les Juifs parce que le but était la déportation. En mars 1941, Vichy s'affaire autour de ce qu'il appelle la question juive, occultant le fait qu'il n'y a pas de question juive. Il y a une question antisémite, et c'est très différent. Dont acte. Un nouveau commissariat général est créé comme gage supplémentaire donné aux Allemands. Un service qui supervise avec zèle l'application des lois de Vichy et des ordonnances allemandes. Les lettres de protestation n'y changeront pas grand-chose. Les comptes bancaires personnels se retrouvent bloqués. Alors que l'Allemagne triomphe sur le front militaire, la persécution des Juifs en France est sur le point de s'accélérer. Et au-delà de la mise au ban de la société. Affecté à Paris depuis un an, le lieutenant SS Theodor Dannecker, en contact direct avec Adolf Eichmann, comprend l'intérêt d'ancrer les projets nazis dans le droit français pour en faciliter l'exécution. L'homme a besoin de la police parisienne pour procéder aux premières arrestations massives d'hommes devenus des parias, interdits dans certains lieux publics, des citoyens de seconde zone, et pire que ça encore. Sur le modèle des camps du Sud, d'autres sont ainsi créés, gérés par les autorités françaises. Le 14 mai 1941, plus de 6000 hommes sont convoqués par la police française dans une quinzaine de lieux de l'Est parisien et des banlieues proches. Ils sont juifs, pour la plupart polonais. En zone occupée, ils sont les premières victimes des politiques antisémites de l'État français et des autorités d'occupation allemandes. 3700 hommes se présenteront à ces convocations. Depuis la gare d'Austerlitz, ils seront convoyés le jour même dans des trains spéciaux vers les camps d'internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Le 14 mai 1941, se déroulent les premières arrestations massives. Trois mois plus tard, le 20 août, c'est le 11e arrondissement de Paris qui se retrouve entièrement bloqué par la police militaire allemande et la police française, mobilisée pour aider les occupants à surveiller la zone. Des barrages sont installés avant 6h du matin. Les entrées des stations de métro entre la place de la République et celle de la Nation sont fermées. 35 autocars ont été réservés. Theodor Dannecker a pour objectif d'y rafler plus de 5700 hommes âgés de 18 à 50 ans à leur domicile et dans la rue. Dès la fin de la journée, l'objectif est déjà à moitié atteint. Alors, la préfecture de police continue ses recherches pendant plusieurs jours dans d'autres quartiers, grâce aux listes issues du recensement. Plus de 4200 hommes sont conduits à la cité de la Muette, à Drancy. C'est une suite de bâtiments inachevés construits au début des années 30 pour y héberger des ouvriers. En banlieue parisienne, ce lieu où étaient internés des prisonniers de guerre se transforme en un camp d'internement pour juifs. Parmi ces hommes entassés dans des baraques rudimentaires, environ 1500 sont français. Hormis quelques cas particuliers qui semblent gêner Vichy, car ce sont d'anciens combattants, alors les autorités françaises en zone libre s'en désintéressent. Une cinquantaine d'avocats figurent notamment sur la liste, comme Pierre Massé, un ancien sénateur déchu de son mandat, qui s'était plaint auprès du maréchal des effets du statut des Juifs au regard de leurs efforts de guerre en 14-18. Puis-je laisser à mon frère la médaille militaire gagnée à Neuville, avec laquelle je l'ai enseveli? Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62e bataillon de chasseurs alpins, blessé à Soupir en juin 1940, peut-il conserver son galon? Demande-t-il. Derrière les barbelés, ces hommes sont pris au piège, mais la nouvelle suscite peu d'écho. Aux Juifs directement concernés, les postes de radio ont été confisqués depuis la mi-août. Une brève dans le journal Paris Soir raconte que l'opération s'est faite, je cite, « à la suite de manifestations communistes qui s'étaient produites cet an dernier dans le 11e arrondissement et auxquelles avaient pris part, comme on le sait, de très nombreux éléments juifs ». Quelques semaines plus tard, c'est encore ce journal qui met à la une les portraits de plusieurs avocats éminents, ainsi légendés par André Chaumet, alors vice-président de l'Association des journalistes anti-juifs. « Je les ai vus, ces juifs millionnaires, ex-célébrités du barreau parisien, internés dans un camp proche de notre capitale. » La propagande nourrit un climat de haine, d'indifférence et de violentes diffamations qui restent impunies. À Paris, au palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Au pied de la gigantesque statue « La France nouvelle », se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Cézille prononce le discours d'inauguration. « J'entre dans le hall. Je suis accueilli par un des organisateurs qui va bien vouloir m'accompagner dans cette visite. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond ?» Eh bien, cette statue de plâtre a pour but d'abord de montrer les caractéristiques ariennes. On voit... cette femme avec un enfant, c'est l'arienne, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'arienne. La mère. La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'arien. C'est ça, ce juif qui est à ses pieds, avec le nez et la barbiche, et en serrant dans ses mains un globe qui est sans doute le globe humain, le globe terrestre, oui, tout simplement. Parfait. À l'automne 1941, le commandement militaire allemand cherche de nouveaux moyens de répression et d'intimidation. Depuis l'invasion de l'Union soviétique par les troupes nazies, la résistance communiste commence à revendiquer des assassinats de militaires allemands, mais aussi des dégradations de librairies et de cinémas collaborationnistes. Alors, les sanctions se doivent d'être exemplaires. Certains résistants sont capturés comme otages et immédiatement fusillés. Les juifs sont assimilés aux bolcheviks et sont considérés comme une menace pour la sécurité des troupes. À vrai dire, depuis Paris, une partie des fonctionnaires allemands milite déjà pour accélérer la déportation à l'est des juifs internés en France, dans la zone occupée. Pendant ce temps, la terreur doit reposer, elle, sur des signaux forts et rendus publics auprès du reste de la population. Le 7 décembre, l'ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abetz, est formel dans son rapport envoyé à Berlin. Les attentats visent à donner l'impression à la population française et au monde que le peuple français se dresse contre les autorités allemandes d'occupation et contre l'idée d'une collaboration avec l'Allemagne. Même lorsqu'il est prouvé clairement que les auteurs sont des Français, il est bon de ne pas mettre cette constatation en relief, mais de tenir compte de nos intérêts politiques et de prétendre qu'il s'agit exclusivement de juifs et d'agents à la solde des espionnages anglo-saxons et russes. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Une autre opération se prépare avant que l'hiver 41 ne débute. L'ordre d'arrestation a été donné 2 jours plus tôt. Il faut cette fois montrer que tous sont vulnérables, y compris les plus favorisés, les plus intégrés. Des juifs influents, suspects de mener des campagnes de haine politique, peut-on lire dans un télégramme adressé au ministère allemand des Affaires étrangères. La Feldgendarmerie et la Gestapo ont un accès aux fichiers juifs, bien sûr. Pour remplir une liste à ce jour jamais retrouvée, il suffit de repérer des individus par leur profession et leurs adresses dans des quartiers aisés. Des commerçants, des artisans, des écrivains, des chefs d'entreprise, des médecins, des avocats, des ingénieurs. Cette fois, ce seront uniquement des officiers allemands qui se rendront au domicile de ces juifs devenus cibles particulières. Comme en témoigne l'un d'eux, Raoul Sievznik, enregistré pour le mémorial de la Shoah. Il était 5 heures du matin, j'ai entendu dans l'escalier des bruits de bottes. Et on a commencé à taper à la porte avec la creuse d'un fusil. J'étais ouvrir. C'était des Allemands. Ils ont demandé tout de suite mon père. Et mon père était un monsieur petit, il faisait 1m56. Il dit à mon père de se dépêcher, il l'emmène. Et j'ai commencé à aider mon père à s'habiller. Il tremblait littéralement. Et tout d'un coup, l'Allemand demande à ma mère « Quel âge il a en allemand ?» Ma mère lui dit 16 ans. Il me regarde, je faisais déjà 1m80. Il m'a dit à l'allemand de Comme Smith, tu viens avec. Et j'ai pas eu le temps beaucoup de m'habiller. Ils nous ont emmenés au commissariat du 3e arrondissement. Là, nous avons passé une heure ou deux. Et on nous a emmenés après, on nous a parqués dans le manège de l'école militaire. Dans cette salle, le manège de l'école militaire, certains se reconnaissent ou sont reconnus. Il y a quelques visages célèbres. René Blum, le frère de Léon, ou Jacques Debray, le frère du pédiatre Robert Debray. D'autres sont des amis, des anciens camarades d'études, des anciens de la Grande Guerre, justement, et voire celle de la guerre de 1870, car une partie des hommes présents a déjà plus de 50 ans. Tous emmenés manu militari. Si certains croient encore une erreur, d'autres ne sont pas naïfs. Beaucoup ne se sentent même pas israélites, mais ils savent qu'ils sont vus comme tels de par leur patronyme et tradition familiale. Alors des recoupements s'opèrent, et il s'agit bien d'une rafle générale. Petit à petit, l'étroitesse de la salle pour plus de 740 personnes se fait sentir. Dans l'après-midi, Theodor Dannecker, le chef du service des affaires juives de la Gestapo à Paris, vient observer le travail accompli. Une victime, Roger Kumpel, décrit l'atmosphère. Les portes lentement se referment sur nous. L'air est irrespirable. Un nuage de poussière mélangé de crottin prend à la gorge, colle au visage, brûle les yeux, s'insinue dans les narines et les oreilles. Déambulant dans la sueur de la piste, des groupes confrontent les circonstances de leur arrestation. D'autres, formés en cercle, assis sur leurs valises ou leurs ballots hâtifs, attendent en silence. Au fond, sur la tribune, trône une mitrailleuse que trois servants font pivoter sur un trépied et pointent sur l'assistance. Aucune eau ne leur est distribuée, aucune sortie n'est possible pour aller aux toilettes. L'absence de pudeur est une première humiliation. L'attente se poursuit. La soirée, la pluie tombe sur un Paris vidé par le couvre-feu de 18h. Des navettes réquisitionnées conduisent les personnes raflées par groupe à la gare du Nord. Un peu plus tard, pour gonfler le contingent d'arrestation, 300 autres hommes, majoritairement des juifs étrangers, venus du camp de Drancy, les rejoignent. Leurs silhouettes décharnées, leurs vêtements crasseux tranchent avec l'allure de leurs nouveaux camarades à par-dessus, qui vivent déjà une réelle dégringolade sociale. Ni eux, ni leurs familles ne le savent, mais ils sont en route pour la gare de Compiègne, dans l'Oise. Puis ils doivent marcher quelques kilomètres pour arriver dans la nuit au camp de Royallieu. Dans leur chambrée, trop petite, où ils sont entassés par trentaines, ils dorment au sol, sur de la paille. Autour du Frenchtalag 122, sous l'administration militaire directe des Allemands, veillent les miradors. En fait, sur le terre-plein de Royallieu, il y a plusieurs camps. Une suite de bâtiments rectangulaires disposés en forme de U. Séparé par une double rangée de barbelés, le camp des Juifs est le camp C. Le camp A, lui, est composé de résistants politiques et communistes. Le camp B est celui des prisonniers russes, américains et anglais. La différence principale est majeure. Ces internés-là ont l'autorisation de recevoir des lettres et des colis. Au camp C, malgré une centaine de libérations pour cause de maladie, de grand âge ou sur ordre spécial, comme Maurice Goudquet, le mari de l'écrivaine Colette, les autres raflés subissent les températures inférieures à zéro et souffrent de sous-nutrition et d'épuisement. Ils n'ont pas assez de vêtements pour se chauffer ou se changer. L'eau glacée brise le réconfort des rares douches. À l'extérieur, les appels deux fois par jour, interminables, sont un supplice et doivent être refaits quand le compte n'y est pas. La boule de pain doit être économisée pour être partagée. Les bouillons distribués sont de plus en plus clairs. Le camp de Royal Lieu n'est pas un camp de travaux forcés, certes. Mais des corvées nettoyage doivent être effectuées à tour de rôle. Malgré tout, certains peuvent écrire ou dessiner lorsqu'ils en ont la force. Comme le dentiste Benjamin Schatzmann, qui a tenu un journal de son internement. Tous les calculs concordent pour prouver que la ration quotidienne qui nous est servie est notoirement insuffisante en calories et en aminoacides d'au moins un tiers, sinon de la moitié. Avec Mass, Wellers et moi, s'est formé un groupe de deux médecins en plus de deux autres personnes. On est resté immobile à parler de la valeur alimentaire du camp. J'ai posé quelques questions à Wellers, notamment à partir de quelle perte de poids la vie devient en danger. Il considère qu'à partir de 40%, la vie n'est plus possible et s'arrête. Je crois que cela doit dépendre aussi de la saison et que, par les temps froids, l'individu doit être en danger de mort avec la perte de 30 ou 35%. Dans ce camp de la mort, lente, la faim n'est pas qu'une torture physique, c'est une obsession d'esprit. Face à la saleté, aux poux et aux puces qui marquent les corps, les écrits qui nous restent relatent aussi la force morale des internés. Dans leur chambrée, certains se mettent à organiser des discussions et des conférences pour partager leur savoir, comme s'ils s'évadaient de ces huis clos contraints. Il est question de grands procès d'assises racontés par l'avocat Georges Ulmeau, de la signalisation des chemins de fer par l'ingénieur Henri Lang, de la construction du paquebot Normandie par Paul Lévy, ou bien de la vie d'Alphonse Allais par René Blum. La présence de ce dernier marque beaucoup ses camarades, tout comme l'auteur de théâtre Jean-Jacques Bernard. René Blum, frère de Léon donc, est cet homme qui a refusé de déserter. Il a choisi de rejoindre Paris après l'armistice de juin 40 au lieu de fuir à New York comme le reste de sa troupe de danseurs. Dans ce camp où j'ai pu noter tant de traits de courage tranquille, tant d'exemples d'évasion par l'esprit, René Blum fut une des figures les plus lumineuses. Son prestige était grand parmi nos compagnons. Pour certains d'abord, ce fut comme si le frère aîné en personne était à Royal Lieu. Le frère de Léon, entendait-on. Mais peu de jours suffirent pour que les admirateurs de Léon Blum se sentissent attachés à René pour lui-même. Se raccrocher à des figures passionnément françaises, c'est aussi se raccrocher à la mémoire et à l'espoir. Car à mesure que le temps passe, que le physique flanche, que des camarades meurent ou sont envoyés à l'hôpital, les incertitudes grandissent. Et les lettres qui leur parviennent clandestinement grâce à l'aide des prisonniers russes ne sont pas plus rassurantes. Les tentatives de grâce ou les indignations groupées n'ont que peu abouti. Et puis l'isolement est propice aux rumeurs. La hantise d'un transfert nourrit également des conflits entre les internés sur le rôle de la France. Un mois après leur arrivée à Royal Lieu, leur futur se dessine ailleurs, car les télégrammes envoyés par les SS montrent que ceux-ci perdent patience. Faute de train disponible, ils n'avaient déjà pas pu envoyer à Noël des déportés vers l'Est. Le 20 janvier 42, dans cette villa de Wannsee, 15 dignitaires nazis élaborent le plan d'extermination des Juifs. Le compte-rendu de la conférence indique qu'ils doivent être soumis au travail forcé, que les plus faibles seront éliminés. Pour finir, il faudra appliquer un traitement approprié à la totalité de ceux qui resteront les plus résistants. Dans ce compte-rendu, les mots sont codés. Ça rend les choses plus simples à tous les niveaux d'exécution. Il est plus facile de parler d'évacuation que de déportation, de traitement spécial plutôt que de tuerie. C'était leur jargon d'usage, mais tous savaient ce que ça voulait dire. La programmation de la disparition des Juifs d'Europe passe un autre cap. Celle de la machinerie du génocide à venir. Il ne s'agit plus de les faire exécuter par les Einsatzgruppen, là où ils vivent, ce qu'on a appelé parfois, notamment en Ukraine, la Shoah par balle, mais de les déplacer avec la seule et unique intention de les tuer. Comme Compiègne ou Drancy, les camps d'internement sont bel et bien appelés à être des camps de transit, et la logistique devient une priorité. Le 26 février 1942, Theodor Daneker adresse un message à l'Office central pour la sécurité du Reich à Berlin. Dans l'intérêt de l'autorité allemande en territoire occupé, il devient urgent que le départ des 1000 juifs arrêtés au cours de l'action du 12 décembre s'effectue au plus tôt. Outre que le service parisien et le commandant du Grand Paris sont assaillis d'innombrables demandes de libération concernant ces juifs, il est à constater que le retard apporté à l'évacuation projetée est interprété par les Français comme une faiblesse allemande. Et l'autre affaire juridique préoccupe les Allemands. Parmi les personnes que les autorités souhaitent déporter, se trouvent des membres de l'armée française qui n'ont pas été encore officiellement démobilisés. Or, il est interdit de déporter des militaires encore en activité par les conventions de Genève alors en vigueur. Le Troisième Reich, soucieux du droit international et du droit humanitaire, se détaille les songeurs. Mais l'armée française adresse finalement un courrier de démobilisation. C'est maintenant acté, le premier convoi à destination d'Auschwitz partira le 27 mars 1942. Dans les semaines qui précèdent, des transferts ont lieu entre Drancy et Compiègne, et même entre l'hôpital de Compiègne et le camp de Royal-Lieu, ce qui trouble encore plus les internés. Eux ne sont au courant d'aucune date précise, comme Georges Rueff, alors prisonnier à Drancy. Au milieu du rassemblement, il y avait des officiers allemands. Il y en a un qui disait « Je suis le lieutenant Daneker ». Et il racontait que c'était pour aller travailler. Alors moi, je suis sorti du rang et je suis allé voir le lieutenant. Je lui dis « Lieutenant, vous dites que c'est pour travailler. Moi, je suis jeune, je ne veux pas rester ici inactif. Alors je veux partir. » Alors il me dit « Ce n'est pas votre tour, c'est de ce côté que vous ne faites pas partie de ce côté-là. » J'ai dit « Bon, puisque vous ne voulez pas. » À ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort du rang avec un grand pansement sur la tête et se dirige vers l'infirmerie. Je suis revenu chez le docteur, chez le lieutenant Daneker et je lui dis « Vous dites que c'est pour travailler. Vous ne pouvez pas prendre un homme comme ça pour travailler. Vous voyez bien dans l'état lequel il est. Prenez-moi à sa place. » Et bon, laissez-moi tranquille, partez. Le 26 mars 1942, le convoi numéro 1 part de la gare du Bourget-Drancy. Dans ses wagons de troisième classe, 565 internés montent à bord. Puis le train s'arrête à Compiègne pour y prendre 547 hommes supplémentaires, dont une partie est issue de la rafle des notables du 12 décembre. La veille, ils ont dormi dans les baraquements isolés des autres internés. Dans l'après-midi, ceux-ci sont arrivés à pied du camp de Royal-Lieu avec leurs baluchons et lourdement encadrés par une soixantaine de soldats allemands, menottés, reliés à une chaîne et séparés de quelques mètres. Ce jour-là, encore un vendredi, il y a des passants silencieux, mais aussi certaines épouses qui semblent avoir été prévenues à la dernière minute. Elles sont venues gare de Compiègne pour un dernier regard, un paquet de couvertures ou même un dernier espoir de sauvetage. Mais les Allemands les empêchent de s'approcher davantage. Vers 18h, le train s'ébranle. Les derniers morceaux de papier sont jetés. Henri Lang a griffonné un message pour sa famille. « Nous ne vous demandons qu'une chose, c'est de tenir. Nous, nous tiendrons jusqu'au bout. » Quelques heures plus tard, le train arrive à Reims, puis à la nouvelle frontière franco-allemande à Nouvéan-sur-Moselle. Trois personnes ont pu s'évader grâce à une porte extérieure. C'est pourquoi tous les autres convois partant de France seront des wagons à bestiaux entièrement couverts. Deux jours et demi plus tard, le convoi numéro 1 atteint son terminus. Il est 5h30 du matin en ce 30 mars 1942, quand le train arrive devant le sinistre portail qui prétend que le travail rend libre. À Auschwitz et ses déportés, dont cet homme, Nathan Darty, qui témoigne. Ici, il n'y avait absolument rien. Il y avait de la neige partout. Nous avons marché dans des marais, tout était des marais. Et nous sommes arrivés dans ce camp de Birkenau où il y avait 4 ou 5 baraques en dur. Il n'y avait pas de mur, il y avait quelques barbalés autour. Et il y avait quand même à l'intérieur quelques déportés. Et au fond, l'impression que ça donne, c'est qu'on arrivait sur une autre planète. Alors arrivés dans ce froid polaire, les malheureux doivent se déshabiller, sont rasés, reçoivent des uniformes rayés. Puis leurs bras sont tatoués à l'encre bleue d'un numéro de matricule. Ils sont les numéros 27 533 à 28 644. Les maladies et les travaux de terrassement au camp de Birkenau en construction déciment ce premier convoi en à peine quelques mois. En août 42, il n'en restera qu'une centaine. Certains sont affectés aux cuisines, au ramassage des affaires des déportés ou au tri des arrivants. Car à partir de ce moment-là, le rythme des déportations depuis la France s'est accéléré. « Le haut responsable SS, Reinhard Heydrich, en finalise le plan lors d'une visite à Paris en mai 42. C'est cet homme qui avait présidé la conférence de Wannsee 4 mois plus tôt. Jusqu'à la mi-juillet, ce sont 6 convois exclusivement composés d'un peu moins de 5000 juifs qui partent pour Auschwitz en provenance de Compiègne, Drancy, Pithiviers et Bonnard-Hollande. À l'été 42, c'est la raflée de Veldiv. Plus de 13 100 hommes, femmes et enfants sont arrêtés. 6 semaines plus tard, les autorités françaises livrent aux Allemands plus de 10 000 juifs étrangers qui étaient alors en zone dite libre, au sud de la ligne de démarcation. Des 79 convois partis de France pendant la Shoah, 45 partiront pour la Soldat des 42. À mes compagnons de Compiègne. Nous n'imaginions certes pas, mes compagnons, quand nous devisions dans les allées de Royallieu, que 30 mois s'écouleraient encore avant qu'apparût l'aube de la vraie libération, celle de notre pays. Nous pensions alors que notre épreuve serait un exemple et qu'on ne ferait pas mieux. Mais il faut bien constater que le mal peut toujours se perfectionner. Et ceux qui ne sont plus là, et à qui je veux dédier ces pages, je sais bien que pour prix de leur ultime sacrifice, ils ne souhaiteraient pas d'autre épitaphe que celle-ci. Mort pour la France. Ces mots ont été écrits par Jean-Jacques Bernard dans son livre « Le camp de la mort lente ». Très malade, le fils de Tristan Bernard a échappé à la déportation en mars 42, puis a été libéré. Ce témoignage, publié en décembre 44, l'un des premiers diffusés sur l'atrocité des camps, connaît un fort retentissement. Du premier convoi, d'après le décompte de Serge Klarsfeld, 19 rescapés sont revenus de déportation. Le 5 octobre 2020, le dernier d'entre eux, Simon Gutmann, est décédé. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Affaires sensibles, aujourd'hui la rafle des notables, dont nous parlons avec notre invitée Anne Sinclair. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Journaliste, vous avez écrit donc La rafle des notables, livre publié en 2020 aux éditions Grasset. Dans ce livre qui est un hommage, vous remontez le fil de l'histoire de votre grand-père paternel Léonce Schwartz, qui est également raflé ce 12 décembre 1941, interné à Compiègne, puis à Drancy et à l'hôpital de Val-de-Grâce, d'où il s'est évadé grâce à l'aide de sa femme. C'est comme ça que vous découvrez l'existence de cette rafle. Il faut ou, dire... de grand, ou de l'histoire de son grand-père, je ne sais pas par où commencer. Un peu les deux. Enfin, l'existence de mon grand-père, je la connaissais. Je savais qu'il avait été arrêté. Je savais qu'il était mort dans son lit des suites de cette arrestation et de ce qui avait suivi. Et qu'il n'était pas mort dans une chambre à gaz, ce qui était à l'époque un luxe. Mais qu'il était mort des suites, évidemment, de cet internement à Compiègne, dont on va reparler. Ce que j'ignorais, c'était cette rafle des notables. Et pour tout dire, elle était largement ignorée, parce que c'est assez normal, de la même manière qu'à Auschwitz, dont vous avez parlé, est devenu le camp des camps, c'est-à-dire vraiment l'usine de mort parmi les usines de mort, de mise à mort. Eh bien, la rafle du Veldiv a pris la place de toutes les rafles et a incarné les rafles. Et c'est bien normal. Comme vous l'avez dit, il y a eu une rafle au mois de mai 41, une deuxième en août 41 avec principalement des avocats, et la troisième le 12 décembre, qui a, alors c'était la troisième rafle, mais elle a fourni l'essentiel du premier convoi de déportation en mars 42. Et donc ces juifs ont été arrêtés en effet pour que personne ne se sente à l'abri, qu'on soit en effet historien, chef d'entreprise, dentiste, etc. Et mais surtout, elle dément tout ce que certains révisionnistes ont pu dire sur les Juifs français. D'ailleurs, à savoir que Vichy, on l'a entendu dans la campagne présidentielle, j'ai même pas envie de citer son nom, que Vichy aurait protégé les Juifs français. Ce qui d'ailleurs est un argument obscène parce que, complètement. Parce que Vichy aurait protégé les Juifs français en permettant la déportation des Juifs étrangers, c'était immonde. Bien sûr. Mais de surcroît, Vichy n'a rien protégé du tout. Vous le rappeliez très bien, en octobre 40, sans que les Allemands soient demandeurs, les décrets antisémites de Vichy devançaient les demandes allemandes, mettaient à l'écart de la population les Juifs en France. Et donc, ils étaient en effet interdits de profession, ils étaient interdits de fonction publique, interdits d'entrer dans des parcs, dans des jardins publics, qui avaient marqué « interdit aux chiens et aux Juifs ». Et donc, ces décrets de juin 40, d'août 40, ont été, d'octobre 40, pardon, ont été modifiés de la main même du maréchal Pétain, durci, les documents sont au mémorial de la Shoah. Donc, la soi-disant protection, quand on pense que le fichier dont vous avez parlé, de 150 000 noms qui étaient faits et stockés à la préfecture de police, et s'appelait le fichier Tullard, du nom de celui qui avait été chargé de dresser, avec un certain nombre de petites mains, ce fichier par profession, par adresse, etc. Là, d'ailleurs, Louis Engelmann, dont vous parlez, était dans le même immeuble que mon grand-père. Donc, ils sont allés au 46 de la rue de Tocqueville, qui est dans le 17e arrondissement à Paris, et ils ont raflé les deux familles juives qui étaient dans cet immeuble. Notre grand-père, Léon Schwartz, c'est ça? Oui, c'est ça. Léon Schwartz, mon père, qui s'appelait Robert Schwartz, était pendant la guerre dans la France libre de De Gaulle, et avait changé de nom pour se protéger, pour essayer de protéger plus exactement ses parents qui étaient restés à Paris. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais du coup, il avait pris le nom de Robert Sinclair. Douane Sinclair, oui. D'accord. Rafle des notables, certes, mais n'y avait-il que des notables? Non, il y avait d'abord, comme vous l'avez dit, des grands noms du barreau, des grands noms de l'histoire, comme Jacques Ancel, qui était un grand historien. Il y avait Pierre Hulmeau, en effet. Il y avait un président de cour d'appel. Il y avait des présidents de cour de cassation. Pierre Masse, dont vous avez parlé, qui était non seulement un brillant avocat. J'ai dit Massé, c'est Masse, hein. Masse, oui. Masse. Pierre Masse, qui avait été au cabinet de Clémenceau, et il avait été ministre de la Troisième République. Et là, il était sénateur. Est-ce qu'il s'agissait de décapiter l'élite française juive ? Notamment, mais c'était pour que justement personne ne soit à l'abri. Alors cette rafle, elle a été conduite par les Allemands dans le camp de Compiègne, qui était un camp nazi en France. C'est ce qu'explique en effet Serge Klarsfeld, avec des conditions qui n'étaient pas de travail forcé ni d'extermination directe, mais c'était un camp où on faisait mourir, on laissait mourir. Absolument. Quand Jean-Jacques Bernard l'appelle le camp de la mort lente, c'est exactement, c'est le plus beau titre qu'on ait pu trouver. Ouais. J'ai intitulé mon livre La Rave des Notables plus modestement parce qu'il n'y avait pas mieux que le camp de la mort lente. Et ils étaient là pour mourir de faim, de soif, de froid. Bon, c'était un hiver extrêmement froid. On a oublié ce que c'était les hivers d'il y a 80 ans. Mais il faisait moins 20 degrés dans les baraquements. Mmh. Il y avait de la neige. Ils étaient pieds nus dans la neige pour faire des appels. C'est-à-dire qu'on faisait comme on fait des appels en classe. Mais donc il y avait une volonté de faire souffrir, une volonté sadique de faire souffrir. Et oui, il y avait une volonté. De toute façon, ils auraient dû être déportés tout de suite. Mais comme les trains allemands étaient pris par les soldats qui revenaient du front de l'Est pour les vacances de Noël, ils ont été parqués là. Mais on n'en avait rien à faire, puisque de toute façon, c'était pour les exterminer. Donc, avec le cynisme extraordinaire que vous racontez de où Vichy a participé, en effet, à la démobilisation, justement... Pierre Masse avait un frère qui s'appelait Roger Masse, qui était colonel de l'armée française. Eux-mêmes avaient été décorés en 14. La lettre de Pierre Masse demandant au maréchal s'il devait enlever sa décoration aux dépouilles de sa famille à Verdun, à Douaumont, ou à son gendre mort dans la bataille des Ardennes. Ça montrait bien que, en effet, ces Juifs étaient ciblés et n'ont pas été défendus. Pas une seconde défendue par Vichy. Xavier Vallat, qui était le commissaire aux affaires juives, avait d'ailleurs dit les exécutions, ça fait mauvais effet. Et ces déportations, il faut faire attention parce que ça peut entacher le climat d'antisémitisme qu'on voudrait voir vraiment s'établir en France. Ça peut donner une mauvaise presse. Donc c'est bien dire quel était ce climat extraordinaire de haine, de vengeance, de d'antisémitisme, de racisme profond. Enfin, c'est même inimaginable. Déjà, la locution « question juive », elle dit tout, il n'y a pas de question juive. Oui, il n'y a pas de question juive. Question antisémite, c'est tout. Mais ça ne se passait pas au Moyen-Âge. Ça se passait, j'étais pas née, mais enfin, c'était 10 ans avant ma naissance. Enfin, c'est absolument insensé. Et les actualités qu'on a écoutées, la soi-disant morphologie juive, on se demande si la bêtise, l'immense bêtise, ne concurrence pas la monstruosité, enfin, c'est l'accumulation de vieilles haines, une haine contre la République, une haine contre la démocratie. Et l'État français de Vichy était là pour purger la démocratie et la Troisième République de ces errements démocratiques. Ils avaient rétabli, d'ailleurs, la République était abolie, c'était l'État français. Et cette exposition qui était au Palais Berlitz, comment reconnaître un juif d'un français, a été, double ironie de l'histoire en ce qui me concerne, préparé par l'Institut d'études des questions juives, qui était encore plus que le commissariat, un organe de la Propagandastaffel, de la Gestapo française, installé dans la galerie de mon grand-père maternel. Et là, on a retrouvé des affiches comme celle dont vous parlez, avec le juif aux doigts crochus tenant le globe terrestre entre ses mains, des affiches horribles. Ouais. Les anciens combattants, quand même, je reviens sur... on disait que le distinguo entre juif français et juif étranger, tout abject qu'il fût, a fait semblant d'exister. Est-ce que les combattants de la Première Guerre, je pense à Pétain, ont réussi à s'en sortir parce qu'ils étaient des anciens combattants? Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça, beaucoup, pas? Pétain, je comprends pas ce que vous avez question. Les juifs français qui avaient combattu dans la Première Guerre, non? Non, c'était le cas de ceux qui étaient là. Mon grand-père était lui-même un combattant de la guerre de 14. Il y avait la Légion d'honneur. La famille était en France. Donc c'était pas une protection non plus. Mais c'était rien. Vichy n'a pas levé le petit doigt. De toute façon, Vichy ne pouvait pas lever le petit doigt. Ils étaient, par leur politique de collaboration, liés intimement au régime nazi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce à la collaboration, La France a eu moins besoin de la police allemande qu'on pouvait détourner sur d'autres pays, puisque la France assumait ce rôle-là, ouais. Puisque la France aussi participait à la chasse, à la poursuite et à l'extermination, enfin, en tout cas, à l'arrestation. À l'envoi vers. Voilà, et en se lavant les mains, et un certain nombre de gens le savaient. Si vous m'autorisez juste un mot. Je vous en prie, l'extrait du livre. Voilà, extrait du journal de Roger Gompel, dont vous parliez exactement. Il dit, et il est à Compiègne, ils ne savent rien. Ils se demandent s'ils vont en effet partir vers l'Est. Ils se disent, mais comment on peut, nous qui avons perdu 30 kilos en 3 mois, qui sommes perclus d'engelures, de vermine, de maladies, et qui n'avons plus la force de travailler, comment est-ce qu'on peut nous envoyer dans un camp de travail? Et il écrit... On se heurte à une profonde volonté de faire le mal qui nous retranche du monde des vivants. Et c'est bien ça, le sujet. C'est, ils ont la conscience qu'on essaye de les exterminer, de les faire mourir. Et il écrit plus loin, que des Français, par calcul sordide ou simple lâcheté, se soient fait les agents complaisants ou les complices muets de telles atrocités, cette trahison fut douloureusement ressentie comme une des ignobles flétrissures de la défaite. Et donc, dès ce moment-là, les prisonniers et comprennent que Vichy est à la fois impuissante à les protéger et est une force de bras armés. Quelle angoisse! Comment se passe la cohabitation contrainte dans les camps d'internement entre les Juifs français et les Juifs étrangers? Alors ça, c'est assez intéressant, parce que en effet, il y avait 743 Juifs français, on a le chiffre global sans avoir en effet complètement encore le détail. Celle qui s'occupe des archives au mémorial de la Shoah, Karen Taïeb, m'a dit qu'elle en était au 550e nom, donc vous voyez, il y a encore quelques-uns à identifier. Oui. Mais on sait à peu près donc le profil et on les connaît à peu près. Comme Daneker voulait arriver à ce chiffre 1000, qui était presque un totem, qui était un chiffre magique, les 743 qui avaient été raflés, ça suffisait pas, parce qu'un certain nombre ont réussi à s'échapper, un certain nombre ont été prévenus, un certain nombre... Bon, et donc... Ils n'avaient pas le chiffre 1000, donc ils sont allés chercher à Drancy des Juifs étrangers, 300, pour ajouter aux 700, pour faire 1000, 1043 très exactement. Et ces Juifs étrangers étaient des Juifs qui avaient été arrêtés par les autorités françaises ou allemande, internée à Drancy depuis quelques mois, et ils étaient déjà dans un état second très très pitoyable. Et donc il y a eu en effet à la fois une sorte, mais c'était effacé en quelques jours et quelques heures, une sorte de déclassement évident, de différence de situation sociale entre les Juifs qui étaient plutôt établis, plutôt notables, on a dit notables, mais ça voulait dire quoi? Intégrés depuis toujours, ouais. Et les Juifs étrangers qui, eux, avaient une conscience très claire de ce qui leur arrivait, parce qu'ils avaient connu en Pologne, en Allemagne, dans les pays d'Europe centrale, ils avaient lu Hitler et ils savaient que c'est le fait d'être juif qu'on cherchait à démolir en eux. Tandis que les Juifs français étaient tellement intégrés depuis toujours, qui n'avaient pas subi de persécution depuis l'affaire Dreyfus, qui était quand même 40 ans avant. Oui. Et donc, ils se disaient, mais nous, on est français, il ne nous arrivera rien. René Blum, dont vous parlez, qui était le frère de Léon, est un homme absolument admirable, qui d'ailleurs, à son arrivée du premier convoi, les témoins ont raconté que les Allemands l'attendaient à Auschwitz pour l'emmener jeter vivant dans un four crématoire. Parce que c'était symbolique, c'était le frère de Léon Blum. Eh bien, René Blum était en tournée aux États-Unis avec ses ballets de Monte-Carlo, dont il était le directeur. Et il est rentré en France en disant, avec le nom que je porte et appartenant à la famille à laquelle j'appartiens, je ne peux pas être absent du destin des Français. C'était à la fois incroyablement chevaleresque et très naïf, mais comment pouvait-il imaginer qu'on les exterminerait comme ça? Ce sera le mot de la fin, Anne Sinclair, parce que c'est la fin. Oui, merci Fabrice, merci pour cette émission qui m'a donné un serment à l'estomac, vraiment. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la rafle des notables, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. La technique qu'aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.